grandi dans la mer. On veut la vue sur la mer. On n'a jamais fait la guerre, mais peut-être un jour faudra la faire. Quand tu me parles, t'es trop à l'aise. Peut-être la coquille te rend balèze. Faut porter ses coronets. On a grandi dans la cité. Tu fais l'excité, je fais l'excité. On sent les machins et puis bye. Faudra t'abriter, faudra m'éviter. Loi la jungle, il faut qu'on graille. Mon père alcoolique, une mère endettée. Une fois dans la rue, tu peux plus la quitter. Mes respect d'amour, mes cœurs est miné. Il était plein, mais pour des faux rêves, je l'ai vidé. On a traîné devant le PM. On a braqué dans le VM. On a pris des grosses peines. On a pris des risques, donc faut assumer. On a eu très peu de cadeaux. On a investi dans le gros. Mais la rue, j'ai fait sans elle. On a grandi dans la rue ta mère. On a grandi dans la rue ta mère. Y'a personne qui va nous amadouer. On ne pardonne pas les fautes avouées. Faut connaître les règles si tu veux jouer. On a grandi dans la rue ta mère. Y'a personne qui va nous amadouer. C'est que pour vous faire du mal on est doué. Mais pas trop pour s'excuser. T'as fait d'eau. On va les éteindre, c'est des mythos. Je connais les Mexicains comme dans Blow. Ceux qui payent, ceux qui font niquer pour un blow. Si tu les écoutes, ils sont tous des love, tout le monde est chaud. Tout le monde est gentil, mais tout le monde est faux. Méfie-toi de celui qui en fait trop. Il ne paye pas une mine comme valeur d'un tableau. Y'a l'amitié et le bif, faut pas mêler. Y'a le cerveau et la bite, faut séparer. Y'a personne qui nous fait vivre. Nous faisons monter la ville, ouais. On a traîné devant le PM. On a braqué dans le VM. On a pris des grosses peines. On a pris des risques, donc faut assumer. On a eu très peu de cadeaux. On a investi dans le gros. Mais la rue, j'ai fait sans elle. On a grandi dans la rue ta mère. On a grandi dans la rue ta mère. Y'a personne qui va nous amadouer. On est pas.